La vie meurtrière, chapitre 2, cinquième partie. Cette effroyable scène me plongea durant plusieurs jours dans un état d'accablement indescriptible. Tout travail me fut d'abord interdit et de longtemps je ne pus lire, écrire, ni m'attacher à quoi que ce soit. En vain essayais-je de me contraindre, ma volonté liquéfiée coulait comme l'eau d'un panier. Les textes eux-mêmes s'évadaient, et les longues vierges des cathédrales prirent avec la triste Jeanne de telles ressemblances que j'en dus ôter l'image de mes murs. Bien entendu, je lui avais écrit le soir même. Je n'obtins aucune réponse. J'écrivis encore, j'implorai, puis, en désespoir de cause, me risquai, malgré sa défense, à l'aller prier chez elle. On ne me reçut pas. À la façon dont le concierge me barra la porte, je sentis qu'il avait des ordres, et je dus remonter en voiture sans le réconfort d'une explication. Toutes ces tortures, car vraiment je souffris beaucoup, m'accablèrent. Je tentai néanmoins de me forcer et voulus reprendre mes travaux, mais je le fis mollement, et d'un cœur si las qu'ils s'en ressentirent. Ma personne physique elle-même subit l'empreinte de ce choc et je me négligeai. Oubliant tout respect, je supportai d'offrir aux autres le contact d'un être sale et mal tenu. Dans mon intérieur, les choses avaient repris leur rôle et leur emploi. Rien de tangible n'eût évoqué l'affreuse scène si l'amertume dont mon cœur débordait n'avait déteint sur elle. Des bibelots, souvenirs à quoi mon œil s'était complu durant des années, me devinrent insupportables. Ils avaient vu. Je les dissimulais, me débarrassais même de plusieurs, ceux par quoi je les remplaçais me restèrent étrangers. Sur la table, cependant, les notes s'amoncelaient, et aussi la poussière et le désordre. Je n'en avais cure. Seul le petit revolver qui servait de presse-papier luisait dans ce fouillis, d'un éclat neuf et provoquant. Je n'avais eu garde d'instruire de cela Madame Montessac, qui, pourtant, eût été plus digne d'y compatir. Mais elle connaissait l'histoire de Jeanne dans ses grandes lignes. Je la lui avais dite maintes fois, bien que prudemment déformée à mon avantage. Ainsi présenté, mon rôle m'apportait de petits profits. Je devins une manière de personnage sympathique, et si délabré d'autre part que je fusse, je ne sus m'empêcher d'user du thème, voire d'abuser. Bientôt, je tapai sur la corde sans l'ombre de pudeur. Je passai donc sous silence la journée tragique. Il y avait marge dans le reste. À force de parler à mon amie de Jeanne et de ses malheurs sur un ton mouillé, je finis par confondre et par beaucoup moins songer aux siens qu'aux miens propres. On s'attendrit donc, et le long supplice de la pauvrette, ainsi travestie, fit que je grandis considérablement dans l'estime de Madame Montessac, et peut-être aussi, sans qu'elle s'en doutât, dans son cœur. Certaines minutes furent où je crus presque sentir des encouragements. Certes, je ne mettais à tout cela aucune astuce, mais l'inéluctable me poussait. N'est-ce pas précisément la leçon de la vie que les faibles souffrent et meurent, afin que soit exaltée la force des forts. Tout allait donc, car à de pareils instants s'envole le sens de la sévère réalité. Mais le soir, chez moi, dans l'enclos de ma solitude, le jeu changeait et le douloureux visage hantait mes nuits sinistrement. Ma déchéance physique concordait avec mes propos, dont elle soulignait le ton pleurard. Madame Montessac s'en émut, elle me fit de douces gronderies et me reprocha se laisser aller de tenue. De ses lèvres, les mots tombaient comme des caresses. Ainsi, l'agonie de la pauvre Jeanne servait encore ma volupté. Je poussais les choses si loin que, me croyant au point de tomber malade, elle insista pour que je l'allasse voir en dehors de son jour. Puis, sous prétexte que, mangeant au restaurant, je me nourrissais mal, elle prit l'habitude de me retenir à dîner. Bientôt j'eus mon couvert, et mon Tessac, que ma présence auprès de sa femme mettait à l'aise, put chaque soir courir à d'urgentes besognes qui lui faisaient précipiter les bouchées dès le potage. Ces heures-là furent les plus douces de ma vie. Elles en marquèrent le sommet et je m'émeus d'y repenser. À nous voir ainsi sous l'intimité de la lampe, nous nous connûmes davantage. Et bien que nos rapports fussent et restassent purement amicaux, une sorte de tiédeur s'y mit qui nous rapprocha tout à fait. Amoureux, je l'étais plus que jamais. Mais ma flamme brûlait sans éclat, et ce ne fut point par des ardeurs que j'avançais mes affaires. Par tempérament, j'étais plus propre aux manifestations silencieuses, et la moindre déclaration m'eût fait tout gâter. J'eus la sagesse d'éviter ce péril. De son côté, mené par l'invincible instinct qui pousse les femmes de sa sorte à la pitié et les rend maternelles, Madame Montessac s'ouvrit tout entière et fit sienne mes douleurs. Aussi pris-je l'habitude de ne lui en celer aucune, allant, comme si la réalité n'eût pas suffi, jusqu'à m'en créer d'imaginaires. D'amis que j'étais, je devins bientôt pauvre ami. L'on sait si cette appellation rend friable les plus fermes volontés, et si l'atmosphère qu'elle implique est dangereuse à la sagesse. Nous l'éprouvâmes bientôt, et j'en profitai pour glaner mes premières faveurs. Oh, bien modeste! Jeanne et son lent martyr présidaient ainsi nos tête-à-tête. Et, bien qu'atténué par la magie du moment, ce remords m'oppressait toujours. Mais, par un phénomène singulier, c'est peut-être sous sa poussée, en pensant à elle, que je trouvais les mots persuasifs et les accents les plus chauds. À quelle aberration tombais-je de profaner un tel souvenir, et quel goût pus-je prendre au vol de pareils baisers. Ces baisers furent d'ailleurs chastes et pris sur les doigts, un peu souvent, voilà tout. Des semaines passèrent, on était avant dans la saison, de sorte que la question du départ vint gâter assez aigrement nos entretiens. J'appréhendais ce moment, et pour cause. Que deviendrais-je seule à Paris? Les Montessac partaient à la mer, et rien ne faisait supposer qu'ils me proposassent de les accompagner. D'ailleurs, j'étais tenue par mes travaux. Aussi ne cachais-je pas mon humeur, et, comme je ne savais rien faire avec mesure, je l'étalais bruyamment. Madame Montessac y mit un frein par de sages paroles. et largua que la séparation serait courte et m'invita à la patience. « 6 semaines au plus, » dit-elle. Je trouvais cela terriblement long. « Vous travaillerez, qui sait, peut-être finirez-vous votre ouvrage. C'est ça qui serait une bonne surprise pour mon retour. » « J'ai peur, vous partiez, de ne plus rien faire du tout. Allons donc, et puis vous m'écrirez. Et qui vous empêcherait de faire un saut à plan les dunes? Il y a des express excellents, vous viendriez le samedi. Comme les maris. Précisément, ça vous désoblige? Au contraire. On trouvera moyen de vous caser à la maison, bien qu'on y soit pas mal serré. Vous rentreriez le dimanche soir. Quel débarras! Pour revenir le samedi d'après, suis-je assez gentille, hein? Adorable. À la bonne heure. D'ailleurs, Fortuné sera ravi. Qui ça, Fortuné? Mon mari? Il s'appelle Fortuné. J'aurais dû m'en douter. Ah, oh, vous êtes bête. Si ce n'était que ça, il y a pis. Je suis amoureux, vous le savez bien. Bah, ça se confond. Ne plaisantez pas, je vous en supplie. Je ne puis pourtant pas me désoler, ce serait manquer de tact. Vous n'avez pas l'ombre de cœur. Ah, nous y voilà. Dites. Quoi? Puisque nous nous séparons, finalement, quand partez-vous? Jeudi soir. Laissez-moi vous embrasser. Voilà. Non, pas la main. Oh, oh! Ne plus vous voir me fera tant de chagrin. Je ne m'en vais pas dans la lune. Soyez compatissante. Allons, je sens que vous voulez bien. Faites vite, alors. Elle pencha sa tête, dont les pesantes nattes effleurèrent mon front. Malhabile et troublée, j'embrassai, au hasard, un peu de cheveux près de la tempe. Je voulus redoubler. Elle m'écarta du doigt. Ça suffit. Tous deux, nous nous levâmes, très émus, et nos deux cœurs sautant à l'unisson. Elle crut donner le change, mais ses lèvres chevrotèrent. « Vous me faites perdre mon temps. »« Quel mot ! J'ai 1000 choses à préparer. Allons, sauvez-vous. Je vous aime. » L'aveu sortit mal, presque sans que je le voulusse, et d'un son que je ne reconnus pas. Où trouvais-je la force d'insister ? Je vous aime éperdument, pour la vie. L'air de gaieté qui rayonnait sur sa personne fondit soudain, son regard devint pitoyable. Par grâce, dit-elle. Mais cette plainte, où transparaissait toute sa faiblesse et l'imminence de sa chute, fit qu'au contraire je marchais sur elle, d'un pas raffermi. Je vous aime. Dis-je, je vous aime, je vous aime. À mon approche, elle tressaillit et recula jusqu'au mur, tandis que ses mains affolées traçaient en l'air le signe d'incertaine défense. J'avançais toujours. Blottie dans un angle, elle s'y rétrécit, déjà victime. Sur la table, la lampe éclairait doucement. On n'entendait plus que le bruit désordonné de nos deux souffles. « Oh, c'est mal !» soupira-t-elle, alors que mes lèvres parcouraient sa nuque. D'un effort, elle se dégagea, son doux visage au jour. J'y vis scintiller une larme. « Ah, ce n'est pas cela que je voulais !» criai-je, vaincu à mon tour. « Allez-vous-en, allez-vous-en !» Je ne suis qu'une brute, pardonnez. Oui, allez, allez vite. Au bout de ses doigts tremblait un mouchoir. Elle montra la porte. Je m'enfuis comme un malfaiteur. Parmi les pensées confuses qui m'assaillirent au sortir de cette journée, et dans lesquelles je me débattis aussi mal qu'à l'ordinaire, une, tout à ma louange, bien entendu, finit par prédominer, et j'acceptai ce réconfort. J'avais osé. Je dus reconnaître qu'à cette audace, dont je m'enorgueillissais, je n'avais pas eu grand mérite. Le geste avait été bien moins voulu que spontané. Mais enfin, le résultat sanctionnant la chose, mes lauriers, pour discrets qu'ils fussent, semblaient acquis. Les seuls éclats de la victoire me sonnaient donc aux oreilles, et je fis, jusqu'avant dans la nuit, retentir l'asphalte sous un talon triomphateur. J'étais même si fort glorieux que les sottises ne pouvaient manquer, et je brassais 2 heures durant les imaginations les plus saugrenues. À mes yeux, nulle supériorité ne balançait la mienne, et cette évidence, à laquelle j'étais peu fait, me donna de ma personne et de mes devoirs une notion jusqu'alors insoupçonnée. La terre et le monde m'apparaissant mesquins, et les gens, hormis moi, si totalement dépourvus, je ne pus supporter l'idée de tant d'injustice, et j'entrepris de faire en sorte qu'un peu de ce bonheur dont je regorgeais se pût aussi répandre chez les autres. Mentalement, c'était facile, et bien dans mes moyens. Je m'offris ce luxe, et déversai ma bienveillance à flot sur l'univers qui ne s'en douta pas. L'image de Jeanne s'interposa fatalement, mais j'étais si bien lancé qu'à peine put-elle ternir l'éclat du tableau. Je l'écartai promptement. Tout cela n'était-il pas le passé? Je revis Madame Montessac le surlendemain, juste le temps de lui remettre quelques fleurs et de lui souhaiter bon voyage. La maison, sens dessus-dessous, empestait le camphre, et le personnel y courait éperdu. Je n'eus garde d'insister, et partis sur un adieu donné de la meilleure grâce. Après quoi, je réempoignai mes travaux et écrivis sur le portail de Laon 5 pages non dénuées de lyrisme. Ici se place un trait sans grande importance pour le récit, mais que je note à titre d'indication. J'ai dit le bel élan qui, dans mon allégresse, me portait à reprendre l'œuvre de la Providence et à la rectifier. Mais, très belles en théorie, mes idées furent plus modestes à l'usage. Néanmoins, je parvins à rendre quelques services dans mes alentours, en sorte que tout ne fut pas perdu. Grâce à de faibles générosités, je fis des heureux, et j'aiguisais ce plaisir par l'anonymat. Tout ceci ne vaudrait pas d'être compté si je n'y avais trouvé l'occasion d'un terrible rappel. J'avais pour concierge une excellente femme, âgée déjà et passablement infirme. Mal logée dans une sorte de taudis, elle y dépérissait de jour en jour, et c'était pitié de la voir se traîner aux étages. Avec cela, obligeante et bonne, elle ne marchandait jamais sa peine. Je la réconfortais de mon mieux à chaque occasion. Un jour, étonné de ne pas la voir sur sa porte, j'entrai dans la loge et la trouvai couchée. Je m'enquis et appris qu'usée jusqu'à la corde, le docteur l'obligeait, suivant la tradition de ces messieurs, à bien vivre et à ne rien se refuser. Sans autre monnaie que cette phrase, la brave concierge s'en allait tout doucement vers son cercueil. Je lui achetai 6 bouteilles d'excellent Bordeaux. J'y fis joindre un poulet froid et quelques friandises, et commandai qu'on lui remît le tout, note acquittée. Puis, désireux de jouir de son étonnement, je passai la voir le lendemain, comme si de rien n'était. Au lieu du bonheur escompté, je trouvai ma malade en furie. Avant que je lui en eusse demandé la raison, elle m'interpellait. « Croyez-vous, monsieur, on m'a envoyé un paquet anonyme. » « Bah, et qu'il y avait-il dans ce paquet ? Un poulet et 6 bouteilles de vin. « Matin, vous allez vous régaler. « Pensez-vous, il ne manquerait plus que ça soit empoisonné. » Par quel déclenchement se fit-il qu'au lieu de rire d'une énormité pareille, mes lèvres se fanèrent et que je me tus. Désarçonné, je ne sus ni la contredire, ni m'expliquer. Même bégayai-je je ne sais trop quoi, qui fut pris pour une approbation. Fût-ce la sonorité de ce mot « empoisonné » et son escorte de rappel, ou vis-je plutôt en cet incident une confirmation de ma nuisance, je ne sais. Toujours est-il que je ne désabusais pas la pauvre femme et remontais chez moi, fort attristée. Cette impression fut d'ailleurs passagère. De plus graves événements allaient survenir. J'avais reçu de Madame Montessac, dès son arrivée à Plan-les-Dunes, une de ces cartes postales illustrées dont la mode commençait. Mais que 2 lignes de sa longue écriture agrémentaient autrement que la plate image. J'y répondis par le même moyen. Puis nous prîmes goût à cet échange et le poursuivîmes tout le long de l'été. Je sus ainsi comment passer ses journées et pus, de loin, prendre ma part de sa peine et de son plaisir. Grâce à ce jeu, les semaines se suivirent sans trop de mécompte, et j'envisageai l'avenir sous de favorables auspices, d'autant que l'histoire de la sculpture française au 12e siècle marchait allègrement à sa fin, quand un coup de tonnerre éclata dans mon ciel. On me remit un jour une enveloppe timbrée de Lormeaux, ma ville natale. Mais l'écriture de la suscription ne m'évoquant rien, je l'ouvris avec assez d'indifférence. La lettre était de la vieille parente aux soins de qui j'avais confié mon père, et m'apprenait que ce dernier, sans que rien n'en pût faire prévoir la soudaineté, venait d'être frappé d'une congestion cérébrale, ensuite de quoi son transfert dans une maison de santé avait été résolu. Ma tante, désorbitée par l'événement, me priait de venir d'urgence. Elle ne donnait pas d'autres détails, mais, si brève que fût la missive, je ne crus pas qu'il y eût lieu à de plus amples informations et partis le même soir. Je trouvai Lormeaux sous la pluie, et personne à la gare, de sorte que je m'en fus, tout seul et trempé, sonner au domicile paternel. Ma vieille tante me reçut dans les larmes, et du peu que je tirai de ses gémissements ne ressortit qu'un fait. Mon père, au cours d'une de ses promenades quotidiennes, s'était abattu sans connaissance sur le sol. Ramassé par des passants et transporté chez lui, il n'y avait, malgré tous les soins, repris ses sens que fort avant dans la nuit. Les premiers jours, on avait pu croire que l'affaire n'aurait pas de suite. Mais des troubles mentaux significatifs n'avaient pas tardé à se produire. Puis, presque d'heure en heure, la déchéance intellectuelle et l'obscurcissement absolu. Enfin, après des scènes sur le détail desquelles ma tante ne s'expliqua que par des pleurs nouveaux, on avait dû l'interner à l'asile de Mériol, où il était depuis 5 jours. Je m'étonnais de n'avoir point été plus tôt avisé, mais, vu l'impossibilité de toute explication, je me fis conduire à Mériol, où je demandai d'urgence le docteur. Introduit, je lui posai la question qui me pesait aux lèvres. La réponse fut immédiate et catégorique. mon père avait définitivement perdu la raison. Je ne sus tout d'abord donner à cet aveu sa pleine signification. Il fallut, pour que je m'en pénétrasse, plusieurs minutes pendant quoi les mots se vidèrent de tout sens. J'étais atterré, mais les affirmations répétées du docteur ne permettaient aucun doute. Je lui demandai donc de me conduire auprès du malade. Il s'y résolut après s'être fait prier quelque peu. Par de longs couloirs blanchis à la chaux, nous arrivâmes à une sorte de carrefour où sommeillait un gardien que notre approche fit se lever. « Le 114, » dit le docteur. Le gardien se joignit à nous. Nous tournâmes et prîmes un deuxième corridor. À droite et à gauche, des portes identiques se succédaient. Machinalement, je notai les chiffres inscrits en noir sur le mur. 110, 111, 112. « Comment va-t-il ce matin ?» dit encore le docteur. « Pouf !» fit l'homme, « comme ci, comme ça. » Nous étions arrivés. La clé tourna, le carrelage rose de la cellule et le trou lumineux de la fenêtre emplirent brusquement mes yeux. Mon cœur ne battait plus. D'un coin plus sombre, une forme se détacha qui vint à nous. « Je vous amène un visiteur, » fit le médecin. « Le reconnaissez-vous ? » Il me démasqua, mes tibias se dérobèrent. « Papa, » dis-je. « Messieurs, messieurs, procédons par ordre, et les dames d'abord !» bredouilla le malheureux, dont le regard passa sur moi sans s'arrêter. « C'est moi, Jacques !»« Chut, chut !»« Jacques, ton petit Jacques, ton fils, tu me reconnais cependant !» Les mains tendues, je m'avançai vers la douloureuse silhouette, mais c'est en vain que j'implorai. Les chers yeux restèrent insensibles et le masque fermé. « Ne nous pressons pas, ne nous pressons pas, il y en aura pour tout le monde. L'une après l'autre, messieurs, et les dames d'abord. Oh, c'est trop horrible, mon Dieu, papa !» Inutile, me coula le docteur dans l'oreille. « Laissons-le, croyez-moi. Je veux l'embrasser au moins. Faites vite alors. » J'atteignis le pauvre être et mis mes lèvres sur son front brûlant. « Oh, papa, papa, est-ce possible ?» Et de nouveau j'embrassai le front et les joues et le fouillis de barbe rude. Lui ne bougeait pas. Il semblait même recevoir mes caresses avec plaisir et s'y prêter. Croyant quelque réveil de sa conscience, je l'ai prodigué quand le docteur m'arracha violemment. « Assez, assez !» Surpris, je cédai. À peine dégagé, le docteur et le gardien me poussaient dehors. Ils ne purent le faire assez promptement, toutefois, que je ne visse mon père découvert. Je m'enfuis, presque fou moi-même. Derrière la porte chassée sur mes talons, je perçus le bruit d'une courte lutte et la voix haussée du gardien. Puis le silence se fit. Du courage, mon pauvre monsieur, du courage. C'est terrible, mais si comme moi vous deviez passer votre vie. Et puis, à son âge, c'est une forme fréquente. Je n'avais que faire de ces plates raisons, et, sans souci du docteur qui s'époumonnait à me suivre, je continuai ma route, tête basse et n'osant même lever les yeux, de peur de joindre de nouveau l'effroyable image. Oh, ce coin de figure entrevue, cet œil, cette lèvre. Ici, ici, fit le docteur en me poussant dans son cabinet, car je passais sans voir. J'obéis et m'affalai sur le divan. un coup si rude m'enlevait toute clairvoyance. Je sentais si bien aussi l'impossibilité d'extérioriser quoi que ce fût de mes sentiments que je finis par ne plus répondre aux dissertations psychomédicales du docteur. Mais ce mutisme, sans doute le prit-il pour un encouragement, déchaîna de telles avalanches d'exemples et de citations qu'excédé, j'y coupai court. « Docteur, en toute sincérité, voyez-vous quelque espoir de guérison ?»« Aucun. » »« La folie est selon vous définitive, absolue ?»« Tout ce qu'il y a de plus. » »« Et ça peut durer ?» Il haussa les épaules en signe de doute. « Oh mon Dieu, j'en ai vu traîner ainsi des années. Mais dans le cas actuel, je ne crois pas à plus de quelques mois, et encore. » Cependant, en 1877, si j'ai bon souvenir, peu disposé à subir de nouvelles histoires, je pris mon chapeau. L'endroit d'ailleurs m'horrifiait. Ce tapis vert, ces meubles bêtes, ces pancartes restrictives à tous les murs, et surtout cette espèce de fonctionnaire, dévidant d'une voix blanche ses éternelles monstruosités, me poussait à l'air, invinciblement. Je n'étais pas entré là depuis une heure, qu'il me semblait y avoir vécu des années. La question matérielle fut résolue en peu de mots. Je pris tous les engagements nécessaires, payé d'avance, puis, certain que tout soin lui serait assuré, passai enfin ce seuil redoutable et me vis libre sous le ciel. La pluie avait cessé. Déjà, quelques trouées d'un bleu profond perçaient la voûte épaisse des nuages. Du zénith, une lumière qui serait plus tard du soleil tombait, donnant aux choses un éclat vif et leur relief. L'air était doux. J'en remplis ma poitrine et, grisé par ces fortes senteurs de terre humide, de noyer vert et de foin chaud, m'engageai dans le sentier qui menait à la ville. L'averse et le charroi l'avaient défoncé. La double ornière, remplie à plein bord, débordait d'une eau jaunâtre, dans quoi je m'embourbai au premier pas. Mais ce fut presque un bonheur, car le souci pressant de m'en tirer fit que j'échappai, au moins pour la minute, à mon terrible cauchemar. Tant bien que mal, en visant les endroits secs, je franchis ces 2 kilomètres. Je ne pensais à rien. Même dans mon cœur si durement frappé, grandissait une sorte de paix étrange qui m'inquiétait. Je respirais librement, et, la poitrine soulagée, comme après quelque acte définitif et qui engage. Ce pauvre vieil homme, en qui se concrétait tout mon passé, m'était brusquement devenu indifférent. Le destin avait tranché d'un coup le nœud qui liait nos existences, et je m'en sentais détaché pour toujours. De telles pensées me firent honte. Mais je dus bientôt reconnaître combien peu j'en étais le maître. J'eus beau me les reprocher, tenter même, par de tendres artifices, de lier à ce présent les plus doux souvenirs de mon enfance, rien n'y fit. La porte du 114 nous séparait plus irrémédiablement que la dalle des morts. La brusquerie de l'événement, dont nulle angoisse ne m'avait averti, fit seule, je crois, que je le pus supporter. J'étais en cela semblable à ces gens de qui l'estomac rejette un poison pris à dose massive et qui sentirent, alors qu'intoxiqués plus modérément, ils eussent succombé. Je ressentais tout au plus un peu de lassitude, la courbature morale qui accompagne les grands chocs. Au fond, plus de surprise que de tristesse. Bientôt, presque un soulagement. Peut-être la splendeur des horizons, le grand ciel désordonné, la plaine aux moires violentes, les moissons, les forêts lourdes, et je ne sais aussi quelles effluves jaillies de partout, contribuèrent-ils à me mettre en cet état. Le fait est que je n'eus pour le conquérir ni à m'aider, ni à me défendre. Cela étant, rien ne me retenait plus à leurs mots. Sans la crainte d'une deuxième nuit de chemin de fer, je serais reparti le même soir. Je décidai donc de coucher et courus en aviser ma tante. Peu soucieux de lui être un embarras, je la laissai s'affairer à ses poils et à son rôti. J'employai le reste du jour à me promener dans la ville. J'en eus bien vite fait le tour. De ci, de là, ma mémoire s'accrochait à de vieux souvenirs. L'enseigne du Chaboté, que j'avais vu peindre, avec quelle respectueuse admiration, aujourd'hui craquelée, noircie, presque indéchiffrable. Puis la fontaine centrale et ses trois statues, que, dans le feu de nos enthousiasmes patriotiques, nous égalions au plus célèbre monument. Je la revis mesquine et sans caractère. De même la tour bleue, le pont Marté, la place Bavier. Des bourgeois erraient là-dedans, le pas lourd en habitué. Au coin de la rue du Nord, je me heurtai à un gros homme qui tenait tout le trottoir. Il se retourna, sa face m'évoqua quelque chose d'indistinct et de très ancien. « Tiens, Verdier, comment ça va? Tu ne me remets pas ? » dit-il. « Mais si, tu n'as pas l'air, manien. Parfaitement. Et il y a du temps qu'on ne s'est vu. Toujours à Paris ? » ?»« Toujours. » Je considérais cette large figure coupée d'une brosse de moustache rouge et qui riait d'aise. C'était ça, Manien, le petit Manien du collège. Quel changement! Il souleva son chapeau pour s'éponger et j'entrevis un front chenu. Le mouchoir en revint humide. Sacré Verdier, va! Quelle chute, pensai-je. Voilà donc où vous mène la vie de province. Ce Manien qui n'était ni laid ni sot, le voici devenu balourd et sale. Tu as bougrement changé, fit-il, comme s'il eût deviné la pente de mes réflexions. Tant que ça? Dame, on ne rajeunit pas. Marié? Non, et toi? Deux enfants. Tu es ici pour quelques jours? Je pars demain. Tant pis. Alors au revoir, et bien content de t'avoir vu. Au revoir. » Il me tendit une forte paume. J'y insérai la mienne et nous effectuâmes sans plaisir cet échange de moiteurs. Ensuite je vis dans le soleil fuir ce gros dos sur quoi balait un veston d'alpaga. Je continuai ma route, à peine distrait par l'incident, un peu chagrin tout de même à l'idée d'avoir vieilli comme les autres. Je traversai l'avenue du Perroy qu'un tramway neuf remplissait de son bruit. Et, par l'escalier centenaire qui conduisait à la ville haute, me dirigeai vers la cité. Jadis je le grimpai d'une haleine. Je dus, ce jour, m'arrêter à deux reprises pour souffler. Et mon œil profita de ces haltes pour constater de pitoyables changements. Les vieilles maisons d'autrefois, si pittoresques et amusantes, s'en allaient une à une ou furent remplacées par de copieuses bâtisses en ciment véritable. Leurs façades exagérément claires saillaient avec une insolence brutale de parvenus. On eût dit, dans quelques mâchoires en proie aux caries, les mailles d'incisives fraîchement posées. Ce n'était partout que balustres, faux bronze et simili. Je sentis à leur vue s'effriter les restes du charme ancien. Toutefois, poussé moins par le désir que par quelque souvenir, je passai devant la maison de Musso. Je la retrouvai telle quelle, mais cette exhumation n'éveilla rien en moi. J'avais subi depuis d'autres coups. 2 heures encore j'errai dans les ruelles. Puis, l'interminable journée n'en finissant pas, je pris le parti de rentrer et m'enfermai dans ma chambre où, sitôt dîné, je me couchai. Le lendemain, à l'aube, je filai sur Paris. L'Ormeau ne devait plus jamais me revoir. Je trouvai quelques lettres chez ma concierge, une carte de Madame Montessac, entre autres, et, ce qui me ravit, un mot de Danval, l'éditeur, m'offrant de publier l'histoire de la sculpture française au XIIe siècle. Tout cela venait à point pour tempérer une humeur qu'un choc si rude n'avait pas peu démolie. Je commençai par répondre à Madame Montessac et lui fis part des tristes raisons qui m'avaient obligé à ce silence de 3 jours. J'en reçus, par retour, d'affectueuses protestations. Ensuite j'allai chez Danval, qui me complimenta fort et m'exposa ses conditions. Elles étaient des plus convenables, en sorte que j'y souscrivis séance tenante. Je promis le manuscrit pour le mois d'après. Il me remettait 1500 francs à la livraison et j'aurais en plus un pourcentage appréciable sur la vente. Je mis donc à l'achèvement de ce travail un enthousiasme décuplé et m'y absorbais si fort que l'empreinte du drame de Mériol s'effaça petit à petit dans mon cerveau. Je pensais à mon père journellement, cela va sans dire, mais n'en évoquai l'image que dans un passé très lointain et d'un charme dont jamais l'effigie du vieillard déchu ne put altérer la douceur.